l'a croisé un jour dans une rame de métro, s'échappant d'un Walkman au milieu d'un solo. Elle t'a rendu heureux tout à coup, s'est enfui par la grille d'un égo, en te murmurant ses mots doux, bye bye bye. Elle t'est revenue soudain dans un supermarché, entre le thé indien et le dessert Nescafé. Tu l'as prise par cœur et depuis, comme nous on a l'enfant dans son lit, c'est comme si elle faisait partie de toi, toi, toi. C'est une mélodie d'amour qui court, que tu crois connaître depuis toujours, que tu danses au rythme de ton cœur, qui va, va, va. C'est un pur instant de vrai bonheur, de fièvre et de douceur, qui se chante sur trois accords mineurs. La la la. Elle te fait coucher tard, elle te fait lever tôt, te raconte des histoires de poupées, de machos. Elle se moque de toi et de nous, c'est le vent qui l'amène et c'est tout. C'est un air un peu triste et pourtant d'amour qui court, que tu crois connaître depuis toujours, que tu danses au rythme de ton cœur, qui va, va, va. C'est un pur instant de vrai bonheur, un moment de fièvre et de douceur, qui se chante sur trois accords mineurs. Sous-titrage Société Radio-Canada.